Bon, ici. Il y a la mer. Tu comprends ici? Il y a le soleil. Tu comprends ici? Il y a le soleil. Tu comprends ici? Il y a la mer. Tu comprends ici? Il y a l'amour. Tu comprends ici? Il y a le soleil. Tu comprends ici? Il y a la mer. Tu comprends ici? Il y a l'amour. Alors. Alors. Alors. C'est terrible. Même la terreur est supportable.